Jean-Pierre-Louis Barre. Autour de, d'Albert Uderzo, dont le 33e album est donc en vente depuis ce matin et qui s'arrache, le ciel lui tombe sur la tête, plusieurs invités, et on va essayer de comprendre un petit peu la passion nouvelle qui nous habite autour du manga. Alors question à Paul Gravette et Pierre Valls, ce manga qui a quelquefois été déprécié, enfin les clichés commencent à tomber, sous-dessin, violence, trop de sexe, parallèle avec l'animation assez violente. Oui. Vous pouvez répondre d'abord Pierre et ensuite Paul. C'est un peu toujours la même histoire, c'est-à-dire quand il y a quelque chose de nouveau et d'un peu exotique qui arrive et qui prend une place, surtout, qui trouve de l'intérêt chez les jeunes, c'est-à-dire, et il y a toujours un petit mouvement de méfiance, méfiance et de rejet de la part souvent des adultes. C'est le même principe que le rock'n'roll. Comme la BD au départ, comme le rock'n'roll dans les années 50. Enfin voilà quoi. Donc je crois que c'est normal. Et puis au bout d'un certain temps, tout ça passe. On s'aperçoit que c'est une narration, que ça raconte des histoires, qu'il y a effectivement des mangas très violents et puis d'autres non. C'est un média comme un autre, quoi. Paul Gravette, vous êtes attelé à 60 ans de manga, donc au Rocher, c'est un album tout à fait impressionnant. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous résumer peut-être la philosophie du manga? Oui, je pense que le manga, c'est pas le mot correct. Nous devons parler de les mangas, parce qu'il y a aussi beaucoup d'éclecticisme dans le manga. C'est pas seulement pour les enfants ou pour les fanas, pour les ados. C'est assez riche que la bande dessinée franco-belge, en fait. Et je trouve que l'évolution récente en France, c'est que les jeunes gens, ils cherchent quelque chose à leur propre culture dans la bande dessinée. Et si leurs parents lisent déjà les bandes dessinées ou les comics américaines, ils cherchent quelque chose d'autre, quelque chose différent, un peu exotique. Et les mangas de Japon est vraiment quelque chose spécial surtout. Ouais. Et comme vous le savez, beaucoup se lient à l'inverse. Et ça, c'est vraiment ça fait un peu de confusion parmi les parents et les adultes qui ne comprennent pas comment ces enfants lisent tous ces bandes dessinées, les livres de poche à l'envers. Ah oui, parce que c'est frappant quand même. Oui. Quand on est dans le bus ou dans le métro et qu'on voit ces petites revues, on est quand même très... on est surpris. Oui, parce que c'est de droite à gauche. Ça se lit droite à gauche, mais ça, je veux dire, les jeunes y arrivent très bien. C'est vrai que c'est peut-être aussi quelque chose qui rebute les plus anciens, parce que c'est pas un geste naturel. Je pense. Moi, je vous annonce que je ne lis pas de droite à gauche. J'ai du mal. Peut-être vous avez passé l'âge, alors. Je pense. Non, mais c'est une technique. Est-ce que le créateur d'Astérix se passionne pour d'autres cultures, d'autres formes de BD? Oui, mais d'ailleurs, quand vous lirez d'ailleurs l'album, vous comprendrez très bien que je me suis intéressé au manga, puisque, en fait, ce que vous disiez tout à l'heure est certainement juste. En fait, nous avons été nourris, nous, à notre époque, je vous parle d'une époque assez lointaine, où l'âge d'or, comme on l'appelait alors, c'était l'Amérique. Toutes les bandes dessinées américaines qui ont... Walt Disney, surtout, je suppose. Disney, bien sûr, qui était impliqué là-dedans. Disney, vous savez, a influencé Osamu Tezuka, qui est le grand créateur du manga moderne, et Osamu Tezuka était un fan de Disney. On retrouve bien les croisements. Mais je crois que tout le monde dans la génération, Frédéric Vidal, tout le monde a connu et adoré. Maurice, on était tous imbibés. Et d'ailleurs, je donne un hommage, j'écris un hommage à Disney pour bien montrer qu'on lui doit beaucoup dans ce domaine. Oui. Et puis je crois qu'il n'y a aucune opposition entre la BD franco-belge et les mangas. On peut tout à fait aimer les deux genres de BD qui sont complémentaires, comme on peut aimer des films de science-fiction et des films comics. Je le vois dans Beaudeuil. Le mensuel est plutôt consacré à la BD franco-belge, mais petit à petit, le manga y entre par des dossiers, notamment sur le sommet des dieux, des choses comme ça, des BD un peu plus adultes. Et petit à petit, il y a un peu moins de rejet à l'image du manga. Je note une chose nouvelle donc dans votre travail, Monsieur Uderzo, c'est le fait qu'il y a des dessins qui sont d'une trop grande puissance. Il s'explique par l'arrivée de ces extraterrestres et de la fameuse pile violette que Astérix met un coup de boule au début, et il y a des dessins très puissants, cette espèce de boule de feu, enfin... Bah oui, bah, parce que il a fallu jouer le jeu justement des, vous savez, j'ai été très inspiré par les ces films américains qui traitent justement des hommes venus d'ailleurs, où en général c'est toujours le cinquième élément, c'est toujours des trucs fantasmagoriques. Alors j'ai fait avec mes petits moyens, évidemment, parce que j'ai un espace assez réduit, et puis ce qui fait que bon, j'ai pris par exemple toute une page pour faire un seul dessin. Oui, cette page est absolument magnifique. En tout cas, elle est d'une force. Il est très rare de voir qu'Obélix est quand même plus petit que... Oui, bien sûr. Richard Malka, vous êtes avocat, mais de formation, grand collectionneur, scénariste. Oui. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que des étudiants. Qui aujourd'hui, quels sont les garçons, les filles qui se passionnent pour la BD? À fois aux journalistes et puis à vous, Richard Malka. Je crois que c'est très varié. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que, d'abord, effectivement, je fais un métier qui est réputé sérieux. Et je veux dire, je n'ai eu aucune réaction. Voilà. Je n'ai eu aucune réaction péjorative lorsque ma première BD a été éditée. La deuxième chose, pour en revenir à l'opposition BD-manga, c'est qu'une BD, ça répond un peu à votre question, une BD, quelle qu'elle soit, c'est d'abord une histoire. Alors qu'on la raconte de gauche à droite ou de droite à gauche, ce qui compte, c'est que l'histoire soit bonne. Avant tout, et quand elle est bonne, a priori, le public est là, et tout public, puisque ce qu'on voit dans nos séances de dédicace, alors le public est essentiellement masculin, malheureusement, mais on a absolument toutes les catégories socioprofessionnelles, tous les âges, et c'est impossible de dire que c'est de 7 à 77 ans. Alors, je vais faire quelque chose qui est digne du manga, on est en direct, je vais me lever, mettre mon casque à Hélène Zelani, et on va vivre le rappel des titres.